la douche, fulminant d'un air louche, et pompant la planète, l'œil sur le chronomètre, homme que rien n'est farouche, fragile comme une mouche, je traverse la ville, surfant un crocodile, à l'aise dans mes babouches, comme George Walker Bush. Matin, ça ne me dit plus rien de bondir sur ta lune, de courir vers ta dune. Je remplace un réverbère, rue des Trois Mousquetaires. Tu connais pas ma chance, je travaille en vacances. Les passants que j'éclaire me disent que j'ai l'air ahuri mais heureux, comme un môme, comme un vieux.